بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا الخامس في رسالة الشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. C'est notre cinquième cours, frère en Allah Azza wa Jal, dans le livre de son éminence, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, la sagesse et la raison sont de la voie de la da'wa des prophètes alayhim salatu wassalam. Fawakafna fil muqaddimati tani inda qawlihi Hafidhahullah, laqad dhanna ba'du ushaqi dawlati al-khurafat, wal-bid'i wal-dalal, wa bi'sa ma dhannu wa sa'a ma iqtarafu, أنني أفصل بين الدين والدولة وأنني أنازع في الحاكمية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Donc, cher de nous dire dans cette introduction de cette deuxième édition, c'est là on s'est arrêté lundi. Les amoureux de l'État, des histoires à dormir debout et de l'égarement et de l'innovation, ils ont cru, et quelle mauvaise croyance ils ont eu, quelle mauvaise suspicion ils ont eu, et quel mal ils ont commis. Ils ont cru que je fais la séparation entre la religion et l'État, et que je sépare l'État de la religion. Et il cite un verset du Coran qui dit que l'énorme parole qui est sortie de leur bouche, ils ne disent que du mensonge. Vous savez ce que, quand on dit de quelqu'un qu'il sépare l'État de la religion, ça veut dire qu'on est en train de le traiter de laïque. Enfin, c'est les laïcs qui mettent de côté la religion et la politique. يقول الشيخ حفظه الله تعالى لقد ساءهم هذا الكتاب وبين زيف دعواتهم ومن طوت عليه من تحريف للإسلام ونصوص التوحيد لا سيما دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. Il dit حفظه الله تعالى ce livre ne l'aura pas plu, parce que c'est un livre qui a montré leurs erreurs et leurs déviations et l'égarement dans lequel ils sont et la nullité de leur voix et leur divergence avec la voix dans la da'wa des messagers alayhi sallatu salam, et qu'il a divulgué les déformations qu'ils font du sens de l'islam et des textes du monothéisme. فبعض هؤلاء لما قرأ كتاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ذهب يهرف بما لا يعرف، وما وجد ما يعترض به على الشيخ إلا أن يشيع أن الشيخ يفصل بين الدين والدولة، وهذه من إملاء الشيطان لصد الناس على الحق. Certains frères en Allah عز وجل, quand ils ont lu le livre ديال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى, ils ont commencé à parler de choses qu'ils ne connaissent pas. et à déguiser les situations. Ils n'ont rien trouvé pour s'opposer à Cheikh Rabi' et au livre de Cheikh Rabi' qui est tout simplement propagé au milieu des jeunes et au milieu de la communauté musulmane, comme quoi Cheikh Rabi' fait la séparation entre l'État et la religion. Et ça, c'est une idée qui leur a été dictée par Shaitan pour détourner les gens de la vérité. فالشيخ حفظه الله ذكر في المقدمة أن المخلصين صادقين فرحوا بهذا الكتاب فرحا شديدا لأنه وضح لهم منهج الأنبياء وبينه لهم بيانا شافيا وحد لهم من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء فكيف لا يفرح به من يريد الحق. فإن الله عز وجل faut savoir que Cheikh dans ce livre, comme il est passé avec nous dans cette introduction, a dit comme quoi les sincères et les véridiques ont été très réjouis par ce livre et très contents de ce livre parce que ce livre les a éclairés sur la voie de la da'wa du messager alayhi sallatu salam. Il leur a montré la clarté du chemin des prophètes alayhi sallatu salam d'un énorme éclaircissement. Il les a avertis contre toutes les voies qui sont en divergence avec les prophètes alayhi sallatu salam. Comment tout un chacun qui cherche la vérité, il est évident qu'il va être réjoui de ces livres. Et tout un chacun qui veut vivre dans le trouble et qui cherche à induire les gens en erreur, il est évident qu'il va se lever contre ce livre. Parce que ce livre montre la réalité de ceux qui sont en divergence avec la voix du prophète alayhi sallatou salam. Wa kadhalika fi hadhihi al-muqaddima سيناقش الشيخ بعض المسائل التي اعترض به عليها وانتقد فيها بباطل. وطبعا هذا صدر ممن لا هم له إلا جمع الحشود وتكتير السواد ولا يهمهم في هذه الحشود المجتمعة أن يكونوا روافض أو صوفية أو أشاعرة أو فسقة, المهم تكتير السواد. Donc, et dans cette introduction, comme vous allez le voir, Cheikh Rabi' va débattre, il va débattre de certains sujets, et va débattre certains points sur lesquels on s'est opposé à lui, on l'a critiqué, avec faux, si c'était avec véracité et avec preuve au moins, mais là on le critique, alors qu'il n'y a pas lieu à qu'il soit critiqué, alors qu'il était dans la voie de la vérité, on le critique. Et il est évident et naturellement, ces critiques n'ont émané que de personnes qui veulent tout simplement avoir un grand nombre autour d'eux. Peu leur importe les gens qui sont autour d'eux. L'essentiel, c'est qu'il y ait la foule autour d'eux. Que ce soit une foule composée de rawafid, ou de sofis, ou de ash'ari, ou de pervers, ou d'extrémistes dans le sophisme. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait du monde. Wa yaqulu Cheikh hafidhahullah ta'ala, ردا على هؤلاء ولم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض ولم يجارهم في إقامة دويلات تقوم على تشييد القبور واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق وتضيف ضلالات وشركيات علمانية جديدة تلبسها لباس الإسلام. Et aussi, cher de nous dire, ce livre n'a pas été d'accord avec eux dans le fait d'accueillir l'état d'Yar Rawafid. Parce qu'il est évident que ce livre, il a été écrit juste après quelques années qu'il y a eu l'événement d'Yal la République, soi-disant, la République islamique d'Iran, qui n'est de l'islam que le nom. Et donc, Cheikh Rabi ne faisait pas partie de ceux qui ont applaudi la révolution iranienne. Par contre, c'est Ikhwan, c'est Sururi, c'est Qutbi, tous, ils ont applaudi cet état. Et donc, Cheikh Rabi', son livre, n'a pas accueilli le Tadir Rawafid. Comme non plus, il n'a pas accueilli l'état qui s'est construit, qui s'est accompli sur le fait de construire des tombes et de croire que les morts et que ce qu'on appelle Aulia connaissent l'invisible et gèrent le monde, etc. Il n'est pas allé dans la même idée que d'eux sur le fait d'accomplir des états qui accomplissent, qui vivent sur la construction des tombes, la construction des mausolées, et qui ont rajouté d'autres égarements et d'autres associationnismes, et qui ont rajouté qui, ces égarements et ces associationnismes qui sont laïques, ils les ont rentrés dans l'islam, ils les ont déguisés, ils leur ont donné un vêtement islamique. Et parmi ceux-là, à laquelle fait allusion Cheikh Rabih Hafidhahullah, Turabi, quand il a fait soi-disant son état islamique du Soudan, Allah subhanahu wa ta'ala a reposé les musulmans du Soudan de cet homme et de l'égarement de cet homme. فإخوة الإسلام جل هذه الجماعات المقمشة والفرق الموجودة لما أنشأ الخميني دولته هرولوا إليه وهنأوه بدولة يسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرة واعتبروه إماما واعتبروا إيران دولة الوحيدة على وجه الأرض لا يبالون بمن يسب الصحابة ويطعن في القرآن والسنة لأن دعوة هؤلاء دعوة ذات أغراض سياسية دنيوية والمهم أنهم هرولوا خلف هذه الضلالات وكتاب الشيخ لم يجاريهم في ذاك فهنا الله عز وجل سوت تو سي غروب كي شيرش تو سامبلومون ا يونيغ لي جون سور نامبورت كوا اي نامبورت كومون اي تو سي بارتي كي اكزيست كونت يو ا يو لافينمون دو ليتا ديال الخميني ils ont couru vers les rangs, ils sont allés embrasser les mains d'El Khomeini et le féliciter. Ils sont allés féliciter l'état dans lequel on insulte haut et fort les compagnons de Mohammed alayhi et les femmes de Mohammed alayhi. Ils ont considéré cet homme et cet imam de l'égarement, parce que l'égarement a ses imams, ils l'ont considéré comme un imam. Ils ont considéré l'Iran comme le seul pays islamique sur la terre. Ils n'ont pas pris en considération que dans ce pays, on insulte les compagnons de Mohammed alayhi salam, on critique le Coran, on critique la Sunna, parce que la da'wa de ceux-là, c'est une da'wa dont le but est politique, dont le but ce sont les choses de ce bas monde. L'essentiel, c'est qu'ils ont couru derrière l'égarement. Et le livre d'El Cheikh Rabih les a montrés sur leur réel visage, il n'a pas été de pair avec eux dans ce sens-là. Tu sais qu'en Iran, on a construit un grand mausolée pour le Majusi qui a tué Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, non. Et on lui voit un culte là-bas, à l'assassin de Omar ibn Khattab, radiallahu an Omar ibn Khattab, wa raghima anfu al-rawafid. وهؤلاء تسمع منهم نفس دعوات العلمانيين نريد التجديد تجديد الدين تجديد أصول الدين تجديد أصول الفقه نريد أصولا غير هذه الموروثات قال قائدهم في هذا الضلال وهو التراب السوداني لما تربع على حكم السودان الصحابة كلهم عدول ليش؟ لماذا الصحابة كلهم عدول؟ فهذا الرجل كان يريد تجديد كل شيء فهذه المعلومة الصحابة كلهم عدول التي يعترف بها علماء الإسلام منذ 15 قرنا يريد أن يجددها ما هذا الصحابة كلهم عدول ليش ما عجبه أن يكون الصحابة عدول وقال لا بد أن نعمل منهجا جديدا في دراسة الحديث فننظر في الصحابي هل كانت عنده مصالح دنيوية لعله قال هذا الحديث من أجل مصلحة دنيوية ولكن ماذا تريد ممن قضى فترة في السوربون سمعتم هذه الجرأة حتى تعلم كيف أثرت فيهم تلك الصداقة مع دولة الرفض لأن الإنسان يتأثر بجلسائه كما قال الشاعر وانظر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين للقرين ينسب وحدا مصاحبة لآمي فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجربي فهنا الله عز وجل tu entends de cela la même da'wa que la da'wa des laïcs. On veut un renouveau, on veut renouveler la religion, on veut un renouveau dans les fondements de la jurisprudence, dans sur le fiqh. On veut un renouveau dans tout ce qu'on a hérité, des aïeuls, c'est vieux, ça ne correspond pas à notre époque. Il nous faut une autre compréhension des textes, d'autres fondements sur lesquels on doit comprendre les textes qui correspondent à notre époque, etc. La même parole et la même règle duquel sont partis les laïcs. Et alors, comment dans cet égarement qui était Torabi, Sudan et le Soudanais, qui à un moment donné était le président du Soudan, a dit une parole, une énorme parole. Les compagnons sont dignes. Pourquoi ils seraient dignes? Cet homme voulait renouveler tout dans la religion. Et cette donnée qui est les compagnons sont dignes, que reconnaissent les savants de l'islam depuis 15 siècles, cet homme, il veut la renouveler. Et il dit, pourquoi les savants, les compagnons seraient tous dignes? Pourquoi? Ça ne lui plaît pas que les savants qu'on dise que les compagnons sont tous dignes. Et malgré lui, malgré Rafida, ils sont dignes. Et il a dit, il faut qu'on instaure une autre voie, une nouvelle voie dans l'étude du hadith, et on regarde si le compagnon, il n'a pas un intérêt dans le hadith, un intérêt de ce bas-monde dans le hadith qu'il propage. Si il a dit ce hadith pour un intérêt de ce bas-monde, on le rejette. Mais que voulez-vous de quelqu'un qui a été éduqué à la Sorbonne? Vous entendez cette audace? Comme ça, vous comprenez comment. Hein? Ils ont ces têtes de l'égarement ont été influencées par l'amitié qu'ils avaient avec l'État d'Iléron et avec l'État d'Irrafd. Car l'être humain est influencé pour son compagnon. L'être humain est influencé pour son compagnon. Et le compagnon, il a l'effet de l'aimant. Il tire. Soit il te tire vers le bien, soit il te tire vers le mal. فَمَنْ صَاحَبَ الرَّوَافِدَ لَابُدَّ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ فكلام التراب ليس بغريب لأنه صاحب الروافد فما يعجبه أن يكون الصحابة كلهم عدول فهم عدول رغم التراب ورغم الروافد قبحهم الله فالتراب يريد أن يقول أن الصحابة كان بعضهم يأخذ الرشوة لوضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Que voulez-vous maintenant de quelqu'un qui a accompagné Rawafid? Et dont les amis étaient des Rawafid. Il est évident qu'il va être atteint. Et la parole d'Al-Turabi ici n'est pas étonnante de quelqu'un qui a pris comme compagnon Rawafid. Ça ne lui plaît pas que Sahaba, que les compagnons de Mohammed a.s. soient des dignes. Ils sont dignes malgré Turabi et malgré Rawafid qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme ils méritent. Turabi veut le dire. Que certains compagnons prenaient des pots de vin pour mettre des hadiths et inventer des hadiths sur le prophète alayhi que l'énorme parole est sortie de sa bouche. Wakamata ana Sayyid Qutb fi sahbi al Mustafa alayhi salam. Wa taban hada al kalam khatir jiddan. Kuttab yu'adduna عند الناس على انهم كتاب ومفكرون اسلاميون وعلى انهم دعاة الى الاسلام. وهم الذين يحاربون صفاء هذا الدين ويكدرون نقاءه. Et comme Sayyid Qutb aussi a critiqué les compagnons de Mohammed alayhi salam, il est naturellement que ces critiques sur les compagnons de Mohammed alayhi salam sont très dangereuses. Ce sont des paroles qui sont très dangereuses. Et ceci, malheureusement, il émane d'écrivains. Et de penseurs, on dit d'eux, ce sont des écrivains musulmans, des penseurs islamiques. Et de du'a, de prêcheurs vers l'islam, on dit d'eux que ce sont des prêcheurs vers l'islam. Alors qu'ils combattent la pureté et la clarté de l'islam et hein, ils ramènent de le trouble dans l'islam. ومن يصاحب الإخوان المفلسون لا بد أن يفلس ومن يصاحب التبليغ لا بد أن تصيبه البلادة وأن يتبغل وهلم جرا ومن يصاحب الياسينيين لا بد أن يعيش في المنامات والأحلام والخرافات فالواجب علينا أن نعرف الحق وإذا عرفناه عرفنا أهل الحق Que voulez-vous de quelqu'un maintenant qui accompagne les tkfiri? Il est évident qu'il va être pollué par la pensée et par les idées d'El Tkfirine. Que voulez-vous de quelqu'un qui accompagne Ikhwan al-Muflisoun? Il est évident qu'il va faire faillite comme eux. Que voulez-vous de quelqu'un qui accompagne donc qui va, hein, que sa raison va plus travailler, que ses neurones vont s'arrêter, et ainsi de suite. Que voulez-vous de quelqu'un qui accompagne Yassinite? Il est évident que celui-là, il va vivre dans un nuage, Yassinite, dans les rêves, dans les rêves, à dormir, et dans les histoires, à dormir debout. Il est obligatoire pour nous de connaître la vérité. Et c'est à travers la vérité que nous allons connaître les gens de la vérité. يقول الشيخ حفظه الله تعالى إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة التي تترسم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية ومع أن الكتاب يعالج موضوعا خاصا لا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارا وركز عليها تكرارا Il dit حفظه الله تعالى Le livre إلى louange à الله سبحانه وتعالى a donné l'éclaircissement sur les da'wa véridiques et les da'wa dignes de confiance que la da'wa qui est digne de confiance, qui est véridique, c'est elle qui prend la voix du prophète alayhi salam dans le da'wa ilallah. Et le pays, l'état qui s'accomplit sur cette voie authentique, c'est le pays de l'islam et le pays islamique. Il dit alors que le livre traite d'un sujet particulier qui le fait déclarer sur la voie dans le da'wa ilallah du prophète alayhi salam. Il s'est occupé et il a cité l'État islamique, il l'a répété à plusieurs reprises et il s'est appuyé, il a donné. Il s'est appuyé dessus fortement. Il en a parlé, et il a insisté sur le fait de parler de l'État islamique. ويقول حفظه الله وعقد لها عنوانا خاصا هو نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. ثم ساق أقوال العلماء في ذلك. وذكر أدلتهم والذي غاض أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام ولم أجار أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وأنواع في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان وعبادة القبور. الشيخ دودير يا على فان دو سو ليفر ان باساج ريزيرفي ا ليتا اسلاميك اي لو تيتر دو سو باساج اي ان باساج بارتيكولير لا في دي زوم دو سيونس لا في دي زوم دي سافون دو الاسلام ها leur vue sur le gouvernorat et leurs preuves et leur vue sur l'imam qui est le fait de gouverner et d'être à la tête de l'État. La vue des hommes de science de l'islam sur l'imam et leurs preuves de l'obligation de cet imam. Et il a cité les paroles des hommes de science et il a ramené leurs preuves. Mais ce qui a créé la haine des gens qui suivent leur passion et des prêcheurs de faux, c'est qu'il a mis l'imam à sa place. Et il a mis l'imam et l'État à sa place, dans laquelle l'a positionné Allah subhanahu wa ta'ala et à la place à laquelle l'ont mis les savants de l'islam. Et il a dit, je n'ai pas pris le même chemin que ceux qui suivent leur passion et l'innovation à mettre de côté et à annuler. Il ne va pas prendre en considération la voix du prophète alayhi salatu wasalam dans la da'wa vers tawhid, dans le fait de combattre l'associationnisme et de combattre l'innovation et de combattre toute forme d'égarement et toute forme de déviation et de combattre si ça dort en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit l'adoration des tombes ou que ce soit l'adoration des statues. C'est-à-dire que la voix du prophète alayhi salatu wasalam, c'est elle qui appelle vers le monothéisme et qui combat l'associationnisme et l'innovation et toute forme de déviation. Alors que les gens qui suivent leur passion, ne donne pas d'importance à ces sujets. Il ne leur prête pas l'importance qu'ils doivent leur prêter. ويقول حفظه الله ولم أجار في اعتبار الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول الأمر الذي جر إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته وجر إلى الارتماء في أحضان الروافض والتعاطف معهم وموالاتهم والذب عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنا وسنة والمحاربة لأصحاب رسول الله وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين وأئمتهم بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون. Et il dit aussi, j'ai pas été dans leur sens, dans le fait de prendre en considération. Il dit que ceux qui suivent leur passion sont allés dans ce sens-là. Il dit, sa position dans le livre, j'ai pas été dans leur sens, dans le fait de considérer que l'imam a c'est le fondement des fondements. L'imama, c'est le sujet le plus important dans cette religion. C'est le fondement des fondements. Et cet imama a tiré vers le fait de ne pas reconnaître la voix du prophète alayhi salatu wasalam et de combattre la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Et cet imama a traîné certains à tomber dans les gérons et dans les bras des rawafid et à s'allier avec eux et à les défendre, et à embellir leur voix, qui est une voix qui combat l'islam, qui combat le Coran, qui combat le Sunna, et qui combat les compagnons de Mohammed, et qui combat les femmes du prophète, les pures, ces femmes pures, et qui combat la majorité, la grande partie des musulmans et leurs imams. Hein? La da'wa d'Yar Rawafid est allée plus loin encore. Il a rendu mécréants les géants de la communauté humaine, qui sont les compagnons de Mohammed a.s. Ils les ont critiqués, ils les ont dénigrés, ils les ont insultés. Fayaqulu al-Shaykh hafidhahullah ta'ala, lam ujarihim fi hadha al-dalal wal-ghulu al-baghid. فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه فقالوا ما قالوا من الأباطل ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كلا من العقيدة والدولة في موضعها الذي وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس. Il a dit, Hafidhahullah Ta'ala, je ne suis pas allé dans le sens de leur égarement et dans leur extrémisme détestable. Et ainsi, ils ont pris en mal ce livre. Ils n'ont pas aimé ce livre, ils n'ont pas aimé l'auteur de ce livre. Ils ont dit ce qu'ils ont dit parmi les paroles fausses et parmi, ils ont traité de tout ce qu'il faut le livre. Tout simplement pourquoi ils ont agi ainsi? Pour créer une barrière entre la vérité et la jeunesse qui a soif de la vérité. Pour créer une barrière entre les jeunes et la vérité qu'il y a dans ce livre. Parce que ce livre, comme dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, et comme vous allez le voir, a mis les choses à leur place. L'aqida, il lui a donné son importance. L'état, il lui a donné son importance. Il a mis toute chaque chose à sa place. Sans laxisme, ils sont extrémismes. Ils sont dépouillés les sens. Ils sont déguisés les situations. ويقول حفظه الله تعالى ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر قد تكون كافرة وقد تكون ضالة منحرفة وقد تكون مؤمنة في خلافة الراشدة أو ملوكية مقصرة كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. Donc, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il est obligatoire que j'éclaire les gens sur la différence entre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'État. Entre l'État, il dit l'État, c'est un ensemble d'individus parmi les humains. Ils peuvent être mécréants. Ils peuvent être égarés. Et ils peuvent être des croyants dans une khilafa bien orientée ou dans une royauté qui est négligente, comme il est le cas de beaucoup de pays de l'islam après la chute de la khilafa, après la khilafa bien orientée. Donc il dit que l'État, c'est un ensemble d'individus. Ils peuvent être, et cet État peut être mécréant, et ces individus peuvent être mécréants, et l'État peut être mécréant, ils peuvent être des égarés, et des gens qui ont dévié, ils peuvent être des croyants dans une khilafa bien guidée, ou ils peuvent être dans une royauté négligente. Et ça, il dit, c'est la situation des pays de l'islam depuis la khilafa bien orientée. La khilafa bien orientée, c'est la khilafa des quatre khalifs bien guidés, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salam. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأذى واعتداؤهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. Il dit, حفظه الله تعالى, et ces individus parmi les êtres humains, c'est eux qui forment cet état. Ces individus, c'est d'eux que se constitue l'état croyant. Et ces individus ne sont qu'un moyen pour accomplir la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'accomplir le jihad, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, le fait d'accomplir les sentences, et le fait de protéger la communauté des manigances et des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de protéger les terres musulmanes des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de protéger les âmes des musulmans, leur argent et leur honneur. Hada, donc cet état constitué d'individus croyants qui vont former l'État islamique, c'est un moyen tout simplement pour mettre en application la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله تعالى فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة تسليم له ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. Donc il dit, حفظه الله تعالى, il est obligatoire pour les musulmans d'accomplir un état qui va s'occuper de ces obligations énormes, qui sont le jihad, qui sont le fait d'ordonner le bien, de protéger la communauté musulmane, et ainsi de suite. Et pour arriver à accomplir cet état, donc il faut qu'ils donnent l'allégeance à un khalifa, autour duquel vont se réunir tous les musulmans de la terre. Ça, c'est le premier cas. Ou alors, un individu a pris le pouvoir, par la puissance, par les armes, et il a soumis les musulmans à son autorité. L'intérêt de la communauté implique qu'on doit se soumettre à lui. Tant qu'il déclare l'islam, il déclare vouloir se componer et mettre en application la législation islamique et les croyances islamiques, et il déclare protéger la communauté de ses ennemis, et jusqu'à la fin des détails qui sont connus, qui sont cités à leur place dans les livres de l'islam. Ou alors, le troisième, ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est que certains individus prennent le pouvoir quelque part. Comme c'est arrivé après la chute, après la faiblesse de la khilafa ottomane, où les pays se sont morcelés en morceaux. Et certains individus ont pris le pouvoir partout. Il y a eu des états qui ont été créés. Et l'intérêt de la communauté implique qu'on doit se soumettre à cette situation pour qu'il n'y ait pas de paganisme, pour qu'il y ait une organisation et un ordre. ويقول الشيخ حفظه الله أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله وكتبه بل حتى من يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفروعية فضلا عن الأصول يكون كافرا بالله خارجا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم أما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة. Écoutez ces belles paroles et ces paroles sensées d'un des imams qui porte l'étendard de la réfutation. Et de l'éloge, il dit quant à l'hakimiyya et au jugement, ça ce sont des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui le juge. Il hakimiyya appartient à Allah, c'est l'une des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, et certes, le jugement est à Allah, il a ordonné qu'on lui réserve le culte exclusivement. Ça c'est la religion droite. Il ne rejette cette hakimiyya qu'un mécréant qui mécroit fortement en Allah et qui est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager et des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même celui qui ne reconnaît pas la hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une partie, dans un des détails, hein, même pas dans un fondement, dans un détail tout simplement, il est mécréant. Il sort de l'islam. Si il la rejette par science, en le sachant, quant à l'ignorant du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il est excusé par son ignorance jusqu'à ce que la preuve s'accomplit contre lui et jusqu'à ce qu'on lui montre les preuves. Regardez ces nobles paroles de ce grand imam. Fahuna, ikhwat al-islam, yubayyin lana an al-asl. بين لنا الشيخ ربيع أن الأصل أن يكون للمسلمين دولة واحدة يرأسها رجل واحد يبيع كل المسلمين. Ici, frère en Allah عز وجل, الشيخ ربيع nous a montré une situation. C'est que les musulmans, à l'origine, ils doivent avoir un seul état à la tête duquel il y a un seul khalifa, qui les gouverne tous et ils lui font tous l'allégeance. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que un homme prend le pouvoir. Il a une armée, il prend le pouvoir par n'importe quel moyen, par la force, par une voie nulle, n'importe comment. Mais il est arrivé au pouvoir et le pouvoir est dans ses mains. Dans ces cas-là, l'intérêt de la communauté et l'intérêt de tous implique qu'on se soumette à lui. Et ça, c'est la aqida des gens du hadith, la aqida des gens de la sunna, se soumettre à celui qui a pris le pouvoir, même s'il l'a pris par l'épée, par les armes. Parce qu'avec cet intérêt, فَيُبَيْ لَنَا الشَّيْخ وَلَوْ أَنْ يَغْرِبَ أَحَدُ الْأَفْرَادِ فَيَأْخُذُ الْحُكْمِ وَلَوْ بِصُورَ بَاطِلَةِ لكنه وصل وأصبح والذي بيده مقاليد الأمور فالمصلحة تقتضي أن يسلم له وهذه عقيدة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة التسليم لمن تولى أمر المسلمين ولو بالقهر ولو بالسيف بهذه المصلحة التي هي اجتماع المسلمين على إمام واحد فالمصلحة تقتضي أن نجتمع على إمام واحد ولو كان غشوما ولو كان ظالما ولذلك قال سلفنا رضوان الله عليهم إمام غشوم ولا فتنة تدوم وقيل ألف سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. Et même frère en Allah, Azza wa Jalla, la deuxième position, c'est un homme avec une armée, il a pris le pouvoir par la force, par l'arme, par une voie fausse, il a manigancé, il a rusé, mais il est arrivé au pouvoir, il a dominé, on doit se soumettre à lui. L'intérêt de la communauté, c'est de se soumettre à lui. Et ça, ce sont les croyances des gens du hadith, les gens du salaf, et les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, se soumettre à lui. Celui qui a pris le pouvoir, on se soumet à lui. Même s'il a pris le pouvoir par l'épée et par l'arme. Parce que l'intérêt, c'est de s'unir. C'est que les musulmans s'unissent autour d'un seul imam, même s'il est injuste. C'est pour ça qu'on ne puisse dire, disait, un imam injuste vaut mieux qu'une fitna qui dure et qui perdure. Il a été dit aussi, 1000 ans, sous le règne et sous le gouverneur et sous la tutelle d'un gouverneur injuste, vaut mieux qu'une nuit sans imam, sans gouverneur. لماذا؟ لأن ليلة بلا إمام تنتهك فيها الأعراض وتنتهب فيها الأموال وتقطع فيها السبل ويفقد فيها الأمن. ليلة بدون حاكم معنى الفوضى، الناس يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض. Pourquoi ne plus رضو الله عليهم on dit ceci que 1000 ans sous le règne d'un gouverneur tyran valent mieux qu'une nuit sans gouverneur, parce qu'une nuit sans gouverneur, tout va être pillé, le sang va couler, tout un chacun va régler ses comptes, les vols, le pillage, les viols, il n'y aura plus de sécurité. Une nuit, ça va être le paganisme et ça va être le chaos total dans le pays. Les uns vont tuer les autres, les uns vont voler l'argent des autres, et ainsi de suite. فهذا الإمام الغشوم الظالم لو لم يكن له إلا فائدة حفظ الأمن ولو لم يقم بأي شيء فأنعم بها فائدة. Cet imam injuste, cet imam tyran, s'il ne fait rien, il n'y a aucun intérêt, il n'a rien fait pour le pays, ni pour les gens, il faut se soumettre à lui parce qu'il y a un intérêt qui est très important, qui est la sécurité. Et cela, c'est un intérêt énorme. Préserver les vies humaines et préserver les biens du musulman, il est énorme. Donc rien que ce point-là est très important. فأهل السنة عندما قالوا إمام غشوم خير من فتنة تدوم وقالوا ألف سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة بدون إمام تكلموا بناء على ما عرف من أصول الكتاب وصحيح السنة وعلى ما عرف عبر التاريخ من الدروس والعظات والعبر وصدق من قال السعيد من وعظ بغيره وإن السعيد لمن جنب الفتن. Donc, فرون الله عز وجل, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, les gens de l'salafia, les gens du hadith, les gens qui suivent les preuves, quand ils ont dit qu'un imam injuste vaut mieux qu'une perturbation qui perdure et qui dure, ou quand ils ont dit 1000 ans, sous le règne d'un imam injuste vaut mieux qu'une nuit sans imam, ils ont parlé partant de preuves, partant de ce qu'ils ont connu, des fondements du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, et partant de la réalité historique et partant des leçons à retenir de l'histoire. Et il a dit vrai, celui qui a dit, il est heureux celui qui a pris la leçon d'autrui. Et il est heureux celui qui s'est épargné les perturbations et le fitan. Allah Azza wa Jal, la voie de ne plus avoir d'Allah Alim, c'est la voie de la sécurité. La voie de la clarté. فهذه الحلول التي بين الشيخ المسلمون يبايعون خليفة واحد وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم به الأمة. ثانيا تغلب أحد الأفراد يسلم له للمصلحة. ثالثا أفراد تسلطوا كل واحد على بلد وهذا ما يوجد حاليا. مصر بلد، السعودية بلد، المغرب بلد، وتولوا بأي صورة من الصور، فالمصلحة تقتضي التسليم له، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وربنا قال: واتقوا الله ما استطعتم. Donc ces solutions que nous a montré Cheikh ici, que les musulmans doivent faire l'allégeance à un seul khalifa, unique pour toute la communauté musulmane. Ça, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il honore cette communauté avec cette situation. Deuxièmement, c'est qu'on a pris le pouvoir, il faut se soumettre à lui parce que l'intérêt veut qu'on se soumette à lui. Pour l'intérêt de la communauté. Troisièmement, certains individus ont pris du pouvoir, chacun dans une partie, dans une région quelconque. Comme ce qu'on vit actuellement. L'Égypte est un pays, il a un gouverneur. L'Arabie Saoudite est un pays, il a un gouverneur. La Syrie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, peu importe. Et ils, n'importe comment ils ont pris le pouvoir, l'intérêt de la communauté implique qu'on doit se soumettre à eux. Car ce qu'on ne peut pas obtenir en entier, on ne peut pas le délaisser complètement. Ce qu'on ne peut pas obtenir, on ne peut pas obtenir la khilafa et un seul gouvernement. On ne va pas rester dans le paganisme. La règle, c'est les hommes de science qui ne s'obtiennent pas en entier, on ne le délaisse pas. Les parties qui sont obtenues, hein, on ne le délaisse pas complètement. Si on n'obtient pas complètement ce qu'on doit obtenir, ben les parties qu'on a, on doit les préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Coran et préserver Allah selon vos capacités. فغياب الخليفة الواحد لا يعني الاضطراب والفوضى لأن البعض ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ما يعرف إلا أبيض أو أسود لا يوجد خليفة واحد للمسلمين إذا نتحول إلى أفراد متى كان الأمر بالاجتماع إذا لم يتحقق كاملا يترك كاملا وهذا خطأ وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فالمصلحة والحال هذه تقتضي أن يسلم كل أهل بلد إلى وليها وإن لم يكن هو الخليفة الذي يجب على جميع المسلمين أن يجتمعوا عليه لكن هو ولي أمر هذه البلاد. L'absence du khalifa, frère en Allah, d'un seul khalifa sur la communauté musulmane, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le paganisme, qu'il faut aller dans les perturbations, dans l'anarchie. Car certains vont d'une extrême à l'autre, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il n'y a pas de juste milieu chez eux. Hein? De l'extrême nord vers l'extrême sud. Ils ne connaissent que noir ou blanc. Il n'y a pas de khalifa unique pour les musulmans. Donc on se morcelle, on devient des individus. Depuis quand l'ordre de s'unir s'accomplit? Hein? Depuis quand, si on n'est pas unis, hein? Depuis quand l'ordre de s'unir doit se faire complètement? C'est impossible. Pour l'instant, c'est impossible qu'il y ait cette union. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Ce que vous ordonne, faites ce que vous pouvez. L'intérêt, alors que notre situation est ainsi, à chaque pays, il y a un gouverneur, l'intérêt veut qu'on se soumette à nos gouverneurs, chacun dans ce pays, les Marocains pour le gouverneur du Maroc, les Algériens, la même chose, et ainsi de suite, en Tunisie, partout. Même si ce n'est pas lui le khalifa, que doivent avoir tous les musulmans, mais chacun, puisque la situation est morcelée ainsi, chacun doit reconnaître son gouverneur là où il vit, ikhwat al-islam. Parce qu'il ne nous a pas été dit hein, que si vous ne vous réunissez pas tous, vous vous séparez tous et vous vous morcelez et chacun vit de son côté. Loin de là, Khal Islam. Ikhwat al-Islam, la farqa inda ahli sunna, baina amir al-mantaqa alladhi yumattilu hakim al-bilad, wa mudir al-amal alladhi ta'mal anta fih, fa haula'i yukhda'u lahum, wa yuqarru bi walatim, fa la nunkiru al-waqih. فناظر مدرستك مثلا وعامل بلدك ورئيس الحي الذي تسكن فيه لا فرق بين هؤلاء فأنت تخضع لرئيسك في العمل لأنه ولي أمرك فلماذا لا تقر لرئيسه حتى تنظر إلى الوزير والرئيس وكذا وكذا فأنت تقر بولاية الجميع لماذا تنكر الواقع وإن فقه الواقع الذي يدندنون حوله هؤلاء خيرنا الله عز وجل. Qu'on comprenne bien la situation. y a, pour les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, l'émir est l'émir d'une région qui représente hein, le gouverneur central d'un pays. Hein, on doit se soumettre à lui. Comme on se soumet à son directeur de travail. Tu travailles sur lui, tu lui obéis. Hein, tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Et tu approuves sa tutelle sur toi. Donc, il faut qu'on reconnaisse la réalité dans laquelle on vit. Ton proviseur d'école, si tu es hein, professeur ou autre, tu lui obéis parce que c'est ton proviseur. Le gouverneur, le préfet de ta ville ou là de ta province, tu lui obéis, il est le représentant du gouverneur central. Le président ou la l'émir du quartier dans lequel tu vis, tu lui obéis. Hein? Parce qu'il n'y a pas de différence. Tu ne vas pas dire à ton président, non, non, laisse tomber, je ne t'oublie pas, jusqu'à ce que j'ai le ton directeur de poste. Tu vas lui dire, non, non, non, je ne vais pas t'oublier jusqu'à ce que j'ai l'ordre directement du PDG. La même chose, tu ne vas pas dire au, hein, au chef du district, du quartier, non, je ne t'oublie pas jusqu'à ce que l'ordre me vienne directement du ministère de l'Intérieur. Tu ne peux pas. Tu confirmes leur wilaya à tous. Pourquoi tu ne reconnais pas la réalité? Willy, dans ces cas-là, la compréhension de l'actualité autour de laquelle parlent ces égarés et ceux qui ne suivent pas la voie du puzzle, wallah alim. Regardez les situations en face, frère en Allah, azza wa jal. Il faut savoir bien lire notre actualité, non pas comme eux, ils le disent. Enfin, eux, leur actualité, c'est tout simplement traiter les gouverneurs des pays de l'islam de tarot. Hein? Et appeler à la révolte, voilà, c'est tout. Ou là, tout simplement, ils ne cherchent que hein? Hada Sitimir, il est pervers. Hada, il fait ceci, etc. Prouve-le d'abord. S'il est pervers, c'est que tu as assisté avec lui à la perversité. Hada, il fait des orgies de ceci, cela. Ben, s'il l'a fait, tu étais là aussi avec lui dans ce cas-là. Comment tu peux le dire? Comment tu peux le prouver? Ikhwat al-Islam, Ahlul ilm qadiman wa haditan, ala ma dhakarahu al-Sheikh Rabi' fi hadi al-faqra min al-kitab. Il faut savoir une chose, les hommes de science, les anciens et les nouveaux qui suivent la voie de leur président sont sur la voie que nous a cité Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala en ce qui concerne l'État islamique. وهؤلاء الحركيون عندما يبدأون بالدعوة إلى أحزابهم تسمعهم سقطت الخلافة سنة 1924 وبسقوطها وجب علينا إعادتها وما سمعوا مرة يتكلمون عن أسباب سقوطها التي هي القبورية والتصوف والبدع فإذا تأملت حالهم يتباكون على الخلافة وعلى فلسطين وعلى بغداد وعلى الشيشان وعلى أفغانستان ودعوتهم تبدأ بالتباكي على الخلافة المزعومة فيجب إعادته وكيف؟ يقول لا كيف؟ عندما تسأله كيف؟ يقول لك نكون جماعة لاسترداد الخلافة سبحان الله ها فخيرنا الله عز وجل ces activistes quand ils commencent leur da'wa quand ils appellent vers leur parti tu les entends la khilafa est tombée en 1924 et puisqu'il est tombé il est obligatoire de ramener la khilafa jamais tu les entendras parler des causes qui ont fait tomber la khilafa. Jamais tu les entendras parler hein, de l'adoration des tombes et du tasawuf et des innovations qui ont fait tomber la khilafa. Jamais ils vont pleurer sur l'Andalousie et jamais ils vont citer les causes qui sont l'égarement et la déviation de la voie des plusieurs dans la même qui ont fait tomber et l'Andalousie et la khalifa ottomane. Quand tu médites sur, tu regardes leur situation, ils pleurnichent sur la khilafa. Ils pleurnichent sur la Palestine. Ils pleurnichent sur Bagdad. Ils pleurnichent sur l'Afghanistan, etc. Leur da'wa commence avec pleurnicher. Hein? Sur la prétendue khilafa. Qu'il faut la ramener. Qu'il faut la reconstituer. Et Allah, comment vous voulez qu'on la reconstitue? Et ils te disent, il faut former un groupe pour reconstituer la khilafa. Wa yuqalu lahum hadi al-jama'a ma adraha ana annaha al-jama'a al-wahida إذ أنكم تشترطون في الخلافة أن يكون في الخليفة أن يكون خليفة واحدا، وهذا رئيس جماعتكم والجماعة الأخرى لها رئيس والجماعة الأخرى لها رؤساء، فيبررون بقولهم إن لم يكن هو الخليفة فهؤلاء يعتبرون كالنواب حتى يؤتى بالخليفة، وهذه الجماعات كلها تصب في مصب واحد، وهي كما قال ذاك المنحرف كالكليات في الجامعة الواحدة. فهذه مقدمات للخلافة. التمزق إخوة الإسلام والتشردم واختلاف التضاد عند هؤلاء الحركيين مقدمات للخلافة. أين فقه الواقع عند هؤلاء؟ والله لا واقع يفقهون ولا شرع يفقهون. إيه quand tu leur demandes comment vous voulez qu'on reconstitue la khilafa, ils te disent il faut former un groupe. Ya Allah, vous formez votre groupe. Qu'est-ce qu'on sait que votre groupe, c'est l'unique groupe? Parce que vous avez la condition, vous dites qu'il faut avoir un seul khalifa. Et votre président, le président de votre parti et de votre groupe, vous avez un président. Les autres ont un président de leur parti. Et les autres, et tous les partis, tous les groupes qui existent ont des présidents à leur tête. Et quand tu leur parles ainsi, ils te disent, mais non, Hadou, même s'ils ne sont pas les khalifas, quand tu leur poses la question, qui est le khalifa parmi ces chefs de ces groupes? Ils disent, mais non, hein, Hadou, même s'ils ne sont pas des khalifas, mais on les considère comme les représentants jusqu'à ce que le khalifa arrive. Ils te disent, tous ces groupes vont dans le même sens. Et tous ces groupes, comme a dit l'un de leurs grands diviers là, il a dit ces groupes sont comme hein, les facultés dans une seule université. Et il te dit ça, ces groupes là et ces partis, ce sont une introduction et des prémices à la khilafa et à la constitution de la khilafa. Le fait de se déchirer, le fait de se diviser, le fait d'être dans des divergences, hein, chez ces activistes, ce sont des prémices de la khilafa. Où est leur compréhension de la réalité et hein, de l'actualité? Wallahi, ni réalité, ni actualité ils comprennent, ni législation ils ont compris. وَكَانَ الْأَوْلَى بِهِمْ أَنْ يَعْتَرِفُوا بِوَاقِعِهِمْ وَأَنْ يَقُولُوا إِذَا فَقَدْنَا الْخَلِيفَ الْوَاحِدْ فَحُكَّامُنَا هَؤُلَى وَلَا تُؤْمُورِنَا وَانْتَهَى الْأَمْرُ وَنُصْلِحُ وَنَحْنُ نُصْلِحُ الْمَوْجُودِ. Mais ce qui leur appartenait de faire, ce qui était obligatoire pour eux de faire, c'est qu'ils reconnaissent la réalité et leur quotidien. Et qu'ils disent, si nous n'avons pas le khalifa unique, nos gouverneurs, ceux-là, ce sont hein, nos émirs, ce sont eux, ils ont pouvoir sur nous. Et la situation est terminée. On se soumet à eux et on remédie à ce que nous avons en place, en réformant bien ce qui est sur place, comme il se doit. والله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولكن الظاهر أنهم يفهمون من الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بالناس. يا الله سبحانه وتعالى هذيك خيتي دون القرآن. الله سبحانه وتعالى ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Mais il semble que ces activistes ils ont compris de ce verset, ils l'ont compris ainsi. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas les autres. La yakhal islam. Tant que toi, tu dois changer. فَنَقُولُ لَهَاوْلَا إِنْ إِسْتَطَعْتُمْ إِنْصَحُوا لِوُلَاتِ أُمُورِكُمْ وِفْقَ مَنْهَجِ سَلَفِكُمْ الصَّالِحِ إِنْصَحُوا لِلنَّاسِ لِدَوِيكُمْ وَأَهْلِيكُمْ صلحوا ما استطعتم. قال عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استطعتم. ما كلفكم الله أن تنكروا الواقع وأن تنشئوا كيانا وهميا في أدهانكم فهؤلاء حتى في السجون يؤمنون بوجود ما يسمى بالتنظيم العالمي. ها من الله عز وجل السلاء اللي دي ها conseillez selon vos capacités vos gouverneurs selon la voie du plaisir d'Allah عليهم. Conseillez-vous les gens autour de vous, conseillez vos familles, conseillez, éduquez vos enfants et faites réformer ce que vous pouvez selon la voie du puiseur d'Allah alayhim. Il est dit dans le Coran, et préservez le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala selon vos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas imposé de ne pas reconnaître la situation et l'actualité dans laquelle vous êtes. Il ne vous a pas enlevé, il ne vous a pas ordonné de ne pas reconnaître les situations dans lesquelles votre vécu quotidien. Il ne vous a pas imposé en plus de créer une institution et un groupe dans votre imagination. Cela, frère en Allah, même en prison, il croit qu'il existe ce qu'on appelle l'organisation internationale, l'organisme universel. أحدهم إخوة الإسلام يقضي حاجته في نفس المكان الذي ينام فيه ويتكلم عن التنظيم العالمي وهذا في أذهانهم وتوهماتهم فلا ندري كيف يفكر هؤلاء التنظيم العالمي الإمارة البيعة الحركة وكل هذا في الهواء إخوة الإسلام ها سي فريغ ان الله عز وجل pour te montrer la situation ceux-là en prison. Certains parmi eux ont l'existence de ce qu'ils appellent, eux, l'organisation internationale. Un parmi eux en prison, il fait ses besoins là où il dort. Hein? Et il te parle de l'organisation internationale. Et tout ceci, il est dans leur imagination, dans leurs illusions, dans leur esprit. On ne sait pas comment ces gens-là pensent. L'organisation internationale, l'imara, l'allégeance, l'activité, l'activisme de l'air. Ils sont dans l'air, ils sont dans un nuage. Eux, ils doivent descendre de Jupiter. Ils doivent se réveiller un petit peu. Revenir à la réalité de la situation. فَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَّمَنَا أَن نَعِيشَ مَعَ وَاقِعِنَا وَأَن نَسْتَغِلَّ الْوَاقِعَ الْمُحِيطَ بِنَا فَلَمَّا كَانَ يَدْعُو عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْقُوَى الْمَوْجُودَةِ آنَذَاكَ وَهِيَ الْقَبَائِلُ فكان يقول لهم من يأويني من ينصرني حتى أبلغ دين الله فلم يفعل كهؤلاء الذين ينشئون جهات وهمية فلم يقل مثلا تعالوا ننشئ قبيلة جديدة اسمها القبيلة الإسلامية تعذل للسؤال وتنير دون أبوة دون تقفيت عليه الصلاة والسلام فخيرون الله عز وجل pour comprendre que ces gens là ils sont dans l'erreur et ils sont loin de la voie de notre prophète عليه الصلاة والسلام et la voie de tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, nous a appris à vivre avec notre réalité et avec notre quotidien et qu'on utilise le milieu dans lequel on évolue et les situations dans lesquelles nous sommes. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir les puissances qui existaient à son époque, qui sont les tribus. Il leur dit, qui me fait, qui m'aide, qui veut être mon allié pour transmettre la religion de Allah, azza wa jal. Il n'a pas dit comme cela, venez, on va créer un groupe dans l'illusion. On va créer quelque chose. Il n'aura pas dit, venez, on va créer une kabyle, une nouvelle tribu, une tribu dont le nom c'est la tribu islamique. Loin de là. Mais il a essayé et il a utilisé les puissances qu'il y a autour de lui. Ce qu'il y avait en face de lui, il l'a utilisé pour faire triompher la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. فكان عليه الصلاة والسلام صاحب دعوة وصاحب الدعوة يريد شيئا واقعيا لا يريد شيئا وهميا. الرسول صلى الله عليه وسلم c'était un homme de la da'wa. Il avait une da'wa. Il avait un message à transmettre. Et celui qui a une da'wa, qui est l'homme de la da'wa, veut quelque chose de réel. Et non pas quelque chose. Il veut pas. Il cherche pas une illusion. Il cherche une réalité. فقولوا عليه الصلاة والسلام للقبائل من منكم يأويني وينصرني حتى أبلغ دين الله واستمر هذا واستمر على هذا عرضه على قريش فأبت عرضه عرضه على تقيف فأبت وعرضه وعرضه إلى أن سخر الله له من يأويه ويؤيده بعد 13 عاما فآوته الأوس والخزرج وربنا قال إلا تنصروه فقد نصره الله. Et notre prophète عليه الصلاة والسلام qui était un homme de la da'wa, qui avait un message à transmettre, vivait sa réalité et son quotidien. Il n'a pas constitué quelque chose, une illusion dans son esprit. Il n'a pas appelé vers une illusion comme le font ceux-là. Et il disait aux tribus, qui m'aide à faire et qui m'aide à faire, à transmettre transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut s'allier à moi pour que je puisse transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été constamment sur cette voie-là. Il a fait cette proposition à Quraysh, l'a refusé. Il l'a fait à Taqif, Taqif l'a refusé. Il l'a fait à d'autres, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, après 13 ans, il lui a mis sur son chemin les tribus d'Al-Aws et d'Al-Khazraj qui lui ont fait, qui ont pris sur eux d'être ses alliés et de le faire triompher et de l'aider à transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans le verset où vous allez le faire triompher. Si vous ne le faites pas triompher, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait triompher. إخوة الإسلام يجب أن نعي جيدا والنفع ما جيدا دعوة الأنبياء مختلفة عن دعوة هؤلاء الحركيين والحزبيين تماما وأقرب الصور لدعوة الأنبياء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان عالما وما له قوة ولا سلطة فعرض نفسه على الإمارات الموجودة في زمانه من يأويني من ينصرني ويدافع عن هذه الدعوة وله الأجر عند الله إلى أن سخر الله له الأمير محمد بن سعود رحمه الله فكانت بداية هذه الدولة المباركة فمن هنا نعلم أن العلماء الربانيين يسلكون مسلك الأنبياء من ينصرني من يأويني حتى أبلغ دين الله وله الأجر عند الله فما كان العلماء الربانيون ينازعون الناس أمورهم وما كانوا ينازعون كراسي السلطان وما يخلقون الفتن لأن البيوت تؤتى من أبوابها فمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله موافق للمنطق والعقل والحكمة وهو الحكمة بعينها Frère, on a Allah Azza wa Jal, la da'wa, partant de là, tu vois que la da'wa de ces activistes est en divergence avec la da'wa des prophètes alayhi salatu wassalam. Et la da'wa la plus proche de l'image de la da'wa des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est une da'wa proche de nous. Et peut-être que nous tous, nous sommes le fruit de cette da'wa. C'est la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhi. Il était un homme de science. Il n'avait aucune puissance, aucun pouvoir. Et il est allé voir les princes de différentes régions pour leur demander, les princes de son époque, pour leur demander, qui veut être mon allié, qui veut me protéger, et qui veut défendre cette da'wa, la da'wa du monothéisme, il aura la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait cette proposition à beaucoup. Beaucoup l'ont jeté, Allah subhanahu wa ta'ala, mis sur son chemin. Le prince Mohammed ibn Saoud, que Allah subhanahu wa ta'ala les comble tous de sa sainte miséricorde, et ça a été le début de ce pays béni min Allah subhanahu wa ta'ala, et de cet état béni min Allah subhanahu wa ta'ala. De là, frère en Allah, azza wa jal, tu sais que les hommes de science dignes du nom et qui suivent la voie de leur plusieurs d'Allah alayhim, qui prennent le chemin des prophètes alayhi salatu wassalam. Qui veut me faire triompher? Qui veut me défendre pour transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il aura la récompense min Allah. Jamais il concurrencer les gouverneurs pour leur poste. Jamais il concurrencer les gens de ce bas-monde pour leur bas-monde. Jamais ils veulent le pouvoir. Jamais ils créent de perturbations. Car les maisons, pour rentrer dans une maison, on rentre par la porte. On rentre pas par la terrasse. On rentre pas par les fenêtres. Et la voix du prophète alayhi salatu wassalam, dont da'wa ila Allah va de pair avec la raison, va de pair avec la logique, et c'est la sagesse même, ikhwat al-islam. Fa, la'allahu yakunu mawqifuna ina insha'Allah, wa subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, wa ahsallahu ilaykum, وجزاكم الله خيراً.